Bonjour, aujourd'hui 26 juillet, nous fêtons les ânes. C'est le 26 juillet 1958 que naissait Thierry Gilardi, le journaliste sportif, nous a quittés en mars 2008. Joyeux anniversaire à Robert Hirsch, né le 26 juillet 1925, à Mick Jagger, né en 1943, à Kevin Spacey, né en 1959, à Sandra Bullock, né en 1964, et à Frédéric Diefenthal, né le 26 juillet 1968. C'est aussi le 26 juillet 1952 que disparaissait Eva Perón, née en mai 1919, et en 2014, l'acteur et réalisateur Thierry Redler, né en février 1958. Le 26 juillet 1891, la France annexe Tahiti. En 1929, Alain Gerbaud boucle le premier tour du monde à la voile en solitaire. En 1956, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. En 2005, en Irlande, l'IRA provisoire renonce à la lutte armée. Et le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel est égorgé par deux terroristes se revendiquant de l'État islamique alors qu'il célébrait l'Eucharistie dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Le dicton du jour, de Sainte-Anne à Saint-Laurent, plante d'érave en tout temps. Demain, vous penserez à fêter les Nathalie. Et on termine avec la VDM du jour, lue sur videmerde.fr. Aujourd'hui, ma sœur a cherché une application ventilateur sur son smartphone. Vie de merde !